Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La frontière burundo-rwandaise est fermée depuis ce mercredi au niveau de Rouen, commune de Rugombo de la province de Cibitoke. Les différentes autorités sont en discussion pour dénouer ce que le porte-parole de la police appelle incompréhension. Vous l'entendrez dans ce journal. Et le chargé de la communication à la présidence de la République rejette les allégations contenues dans le rapport publié ce mardi par la Fédération internationale des droits de l'homme. Un rapport pas du tout tendre avec le régime de Bujumbura sur les exactions commises depuis le déclenchement de la crise au Burundi. Willy Nyamitwe parle d'une volonté affichée par les auteurs de tels rapports de manipuler l'opinion. Dans ce journal également, vous suivrez les acteurs politiques exprimant leur satisfaction et suggestions à propos des prestations de la radio Isanganiro qui boucle ce vendredi ses 14 ans à votre service. Nous irons aussi à l'hôpital d'Igenda qui, depuis ce lundi, a débuté un programme d'opération chirurgicale de femmes souffrant de fibromes utérins et d'autres complications connexes. Et au lycée de Roussiga, en province Ngozi, les populations environnantes peuvent souffler un nouveau soulagement après la réception hier d'une adduction d'eau potable. Les lycéens perdaient beaucoup de temps pour aller puiser de l'eau. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. La frontière burundo-rwandaise est fermée depuis ce mercredi au niveau de Rouen, commune Rugombo de la province Cibitoke, à l'ouest du Burundi. Aucune entrée ni sortie sur ce passage. À l'origine de cette situation, une mésentente entre les forces de sécurité des deux côtés de cette frontière. En effet, les Burundais ont envisagé d'installer des caméras de surveillance, qui a provoqué la colère des Rwandais. Mais des discussions entre différentes autorités sont en cours pour dénouer ce que le porte-parole de la police nationale appelle « incident », ajoutant que cela n'aurait pas dû inquiéter outre mesure, du moment que de tels dispositifs existent aussi du côté du Rwanda et que les Burundais en ont même mis sur les autres postes frontaliers. Suivez Pierre Ngurikiye. Au niveau du poste frontalier de Rouhua, dans la province de Cibitoke, entre le Rwanda et le Burundi, il y a eu suspension du trafic transfrontalier dû à un malentendu qui est né depuis hier de l'installation par la police burundaise des équipements d'interconnexion des trois postes à arrêt unique, le poste de Kobero, le poste de Rouhua et le poste de Gasenyi. Alors, ces installations ont été déjà mises au niveau du poste de Gasenyi. Et hier, c'était le tour du poste de Rouhua. Il s'agit entre autres des logiciels qui fonctionnent avec des caméras de surveillance. Et lorsque l'on a voulu installer les caméras de surveillance sur le bâtiment qui est partagé par les deux polices, la police rwandaise et la police burundaise, les policiers rwandais n'ont pas voulu à ce qu'on installe ces caméras de surveillance de l'autre côté. Et c'est là où est né alors le malentendu. On ne comprend pas le comportement de la police rwandaise du moment que les images qui sont prises, les informations qui sont collectées par ces installations sont bénéfiques pour les deux côtés. Ils ne veulent pas ce qu'on installe de ces caméras de surveillance du moment qu'on sait qu'ils sont directement connectés à Kigali via Internet et que le Burundi n'a pas affiché un comportement semblable. Il y a des contacts qui sont là entre les gens qui sont sur le terrain, mais avec aussi les ordres de les hiérarchies. Et nous pensons qu'ils vont trouver une solution, d'autant plus qu'une réaction semblable a été observée également lorsque la police burundaise procédait à la mise en place de ces installations au niveau du poste frontalier de Gasenyi. On va aussi gérer ce petit malentendu et permettre le mouvement normal des biens et des services à travers cette frontière. C'était Pierre Ngurikiye, c'est le porte-parole de la police nationale. Un policier du nom de Gahongo Leonidas a été tué au cours de cette nuit à Muzinda, en commune de Rugazi, de la province de Bubanza. Alors qu'il se déplaçait de sa position vers une boutique, il est tombé dans un groupe d'hommes qui l'ont d'abord désarmé avant de la battre. C'est une information que nous devons à notre consoeur Spes Caritas Kabanyana. Suivez son reportage. C'était vers 19h au cours de cette nuit de mardi à mercredi, au moment où le policier qui a été tué a quitté sa position pour acheter des unités de recharge à quelques 100 mètres de son poste d'attache. Avant d'arriver à la boutique, il est tombé dans un groupe de malfaiteurs qui lui ont chipé son fusil. Gahongo Leonidas a crié au secours, voulant récupérer son arme, mais les agresseurs l'ont abattu à plusieurs coups, selon les témoins sur place à Muzinda. Après une petite accalmie, les habitants proches de cette localité et les collègues de la victime sont allés voir ce qui s'était passé et ils l'ont trouvé agonisant sur la route de Bujumbura-Bubanza entre la 12e et la 13e transversale. Ils l'ont vite évacué vers l'hôpital, mais il a succombé avant d'y arriver. Ces malfaiteurs n'ont pas été identifiés, mais les témoins sur place à Muzinda indiquent qu'ils ont fui en direction de Kirekura, en commune Mutimbuzi, voisine à la zone Muzinda. Les sources policières indiquent que les enquêtes ont déjà commencé. Caritas Kabanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. Merci Spence, je vous l'avais dit, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme FIDH et son partenaire burundais la Ligue ITK ont présenté ce mardi 15 novembre à Paris un rapport intitulé « Répression aux dynamiques génocidaires ». Sur 200 pages, les organisations détaillent la chronologie de la crise burundaise depuis avril 2015 et dressent le bilan macabre d'un an et demi de répression. Les grandes lignes de ce rapport avec Grace Niyonzima. Dans ce rapport de 200 pages, un inventaire a été dressé glossant des exactions commises par le régime burundais ces derniers mois. Après un an et demi d'enquête sur le terrain, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, a publié mardi un rapport documentant les conséquences de la crise politique que traverse le pays depuis le déclenchement de la crise en avril 2015, au lendemain de la candidature du président Pierre Nkurunziza à sa succession. Le climat politique délétère est rendu aujourd'hui encore un peu plus tendu par l'ethnicisation de la crise, selon le rapport de la FIDH. À en croire en cher Nico Yagize, président de la Ligue des droits de l'homme ITK, membre de la FIDH, des crimes contre l'humanité sont en cours et il existe, je cite, un risque de génocide. Fin de citation. Concrètement, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK estiment que la crise au Burundi s'est traduite à ce jour par plus de 1000 morts, 8000 personnes détenues pour des motifs politiques, 300 Awissa disparus et a poussé plus de 3000 Burundais à l'exil. Les responsables sont désignés et les institutions internationales exhortées à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Merci Grace pour ce compte rendu de lecture. Interrogé par la rédaction Isanganiro, Willy Nyamitwe, chargé de la communication à la présidence de la République, estime que ce sont des rapports qui sont tendancieux, produits sur base de faux faits et destinés à semer la division entre Burundais. Suivez-le au téléphone avec Mireille Kanyang. C'est un rapport que j'ai lu et c'est un rapport qui est plein de faussetés, de mensonges et une volonté affichée de manipuler l'opinion en vue de créer la division dans notre pays afin que les ethnies se rentrent dedans. Ce génocide qu'ils disent craindre dans ce pays parce que l'objectif c'est de diviser les Burundais. Alors il y a d'autres qui ont essayé dans le passé et qui ont fini par déchanter, qui ont fini par abandonner cette rhétorique génocide dans notre pays. Alors nul doute que même la FIDH finira par déchanter et sera battu sur son propre terrain. Un rapport qui n'est pas vrai, dites-vous, alors que la FIDH dit s'être appuyée sur des témoignages, sur d'autres rapports, dont celui de la Ligue ITK, qui est son nœud, disons, à Bujumbura. Comment pouvez-vous justifier cela? Si la Ligue ITK est l'œil de la FIDH à Bujumbura, alors disons qu'elle est aveugle, parce qu'elle ne peut pas, aujourd'hui, parler de risque de génocide. Il y a d'autres qui ont essayé dans le passé et qui ont fini par abandonner. Alors si la Ligue ITK est dans cette logique de déstabilisation du pays et de division, eh bien cette Ligue ne mérite pas d'être vraiment l'œil de la FIDH. Voilà, c'était Willy Nyamitwe au téléphone avec Mireille Kanyang. Il est très bien. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les travaux de la radio Isanganiro sont encouragés puisque la radio respecte la diversité d'opinions. Tels sont les propos du chargé de la communication au sein du parti CNDD-FTD au moment où ce 18 novembre, la radio Isanganiro fête son 14e anniversaire. Nancy Ninette Moutoni suggère à la radio de travailler beaucoup dans les domaines qui intéressent le plus la population. Nancy Ninette Moutoni, elle est chargée de la communication au parti CNDD-FTD. Elle est au micro d'Alain Désiré Okeyenet. Tout d'abord, j'aimerais féliciter la radio Isanganilo pour ce 14e anniversaire, mais aussi féliciter les journalistes de cette radio qui sont à l'œuvre, car comme vous savez, les médias constituent, comme on le dit, un quatrième pouvoir. Ils sont là pour informer, mais former aussi la population. Ce titre, il contribue au renforcement de la démocratie, au renforcement de la bonne gouvernance, mais aussi à l'éducation de la population dans les divers projets. Ce que nous apprécions le plus, c'est qu'il y a la diversité d'opinions et nous aimerions aussi encourager la radio Isanganilo à marquer une différence, une nette différence par rapport aux autres radios, en s'intéressant non seulement aux branches politiques ou aux domaines politiques seulement, mais aussi à diversifier ses programmes en les orientant vers des programmes qui intéressent plus la population burundaise, des programmes qui sensibiliseraient la population à l'hygiène, à l'agriculture, à l'élevage, à la cohabitation pacifique, à des thèmes qui ne relèvent pas de la politique politicienne. Nancy Ninette Moutoni, chargée de la communication au parti CNDD-FDD au pouvoir. De son côté, le vice-président du parti Sawanya Frodebou, Léon Sengendakoumana, dit que la radio Isanganilo s'est focalisée à donner la parole à tout le monde, à tel point qu'il y a lieu de parler d'équilibre de l'information. Léon Sengendakoumana ajoute que même après sa réouverture, la radio Isanganilo, juste après les événements de l'année passée, Isanganilo a gardé la même ligne. Il conseille à la radio de donner la parole à tous et surtout à la population de l'intérieur du pays. Suivez Léon Sengendakoumana, toujours au micro de Alain Désiré Bokayeneza. Je situe d'abord le contexte dans lequel la radio Isanganilo est née, contexte dans lequel la radio Isanganilo a fonctionné et fonctionne aujourd'hui. Les radios privées, comme les autres journaux, les télévisions, s'y constituent un des piliers les plus importants de la démocratie. C'est là où un citoyen peut exprimer ses idées. C'est là où le citoyen peut apprendre ce qui se passe dans son pays, peut être informé sur la vie de son pays, peut être informé sur les relations entre son pays et le reste de la communauté internationale. Alors, depuis que le Burundi est entré en démocratie, la radio Isanganilo a donné la parole aux citoyens. Ils se sont exprimés sur la situation qui prévalait dans le pays et timidement, d'autres radios sont nées et l'ont appuyé. Ça veut dire qu'il a servi d'exemple aux autres pour créer des radios privées. C'est une satisfaction pour le peuple burundais, que ce soit ceux qui vivent encore dans le pays, ceux qui sont à l'étranger, y compris aussi les pouvoirs publics d'hier et d'aujourd'hui. À travers les émissions Mosaïque, Kunama, Inurire, Karadiri Dimba et bien d'autres, il y a beaucoup d'émissions que vous animez. Nous apprenons beaucoup. Beaucoup de gens s'expriment sur cette radio Isanganilo. Nous ne faisons que vous encourager. Il faut étendre vos émissions aux citoyens à l'intérieur du pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui veulent s'exprimer et qui ont des nouvelles à partager. Léon Sengendakoumana, c'est le vice-président du parti Sawanya Frodebou. Il est 13h10 à Bujumbura. Vous êtes branchés sur Isanganilo, la suite de ce journal dans un instant. Isanganilo. Le chauffeur de l'un des véhicules du bureau provincial de santé à Bururi a déserté son poste d'attache depuis ce mardi matin. Contacté à partir de sa cachette, Nkunzimana Onesfor a dit que des malfaiteurs l'avaient enlevé le soir de ce lundi pour lui exiger une rançon d'un million de francs burundais. Au niveau du bureau provincial de santé à Bururi, l'on parle plutôt d'un montage dans lequel participerait ce même chauffeur. Depuis Bururi, Jean-Pierre Misako. Nkunzimana Onesfor, un chauffeur du véhicule du comité provincial de vérification et de validation, et TAPSA en service depuis le matin de ce mardi. Contacté sur son propre téléphone portable, Onesfor Nkunzimana a répondu qu'il est maintenant libre. Une libération intervenue après avoir versé 560 000 francs burundais à la place d'un million qu'exigeaient ses ravisseurs. Il dit qu'il a passé la nuit dans une brousse de Burambi, ne sachant où demander abri à 19h. Il y répondait cependant qu'il est enfermé dans une place inconnue de Rumonge à ceux qui l'ont contacté ce mardi. Pour Désiré Nduimana, médecin provincial de Bururi, ce chauffeur n'a pas été enlevé, mais serait dans un montage avec son frère aujourd'hui à l'étranger pour être cité dans l'affaire de vol du matériel médical à Rutovu, un montage visant à le salir. Selon Dr Désiré Nduimana, le soi-disant enlèvement était planifié d'avance car le chauffeur a glissé la clé de contact de son véhicule sous la porte de son chef avant de partir et a informé son chef via son propre téléphone portable qu'il avait été enlevé sans que la police Abruri en soit avisée. Par ailleurs, c'est son frère à l'étranger qui a parlé d'un enlèvement de ce chauffeur guidé par le bureau provincial de santé à Abruri avant même que l'information ne soit connue à Abruri. À la question de savoir pourquoi il a laissé la clé et risqué sa vie sans aviser ses supérieurs et la police, on n'a pas trouvé de réponse. Alors qu'il déclarait se rendre à Abruri ce mercredi matin, il a raccroché son téléphone portable quand on cherchait à savoir où il arrivait exactement. Jean-Pierre Misago de Abruri, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Toujours dans les nouvelles de Provence, plus de 1000 personnes habitant les environs du lycée Boussiga vont bénéficier d'une adduction d'eau potable construite en commune Boussiga de la province Ngozi. Le ministre en charge de l'énergie et des mines, qui avait fait le déplacement à l'occasion de l'inauguration de cette infrastructure, a déclaré que l'objectif poursuivi était de remédier à la perte de temps que connaissaient les élèves de ce lycée en allant puiser de l'eau sur une longue distance. Alida Naïkeza s'est rendue sur les lieux, elle nous fait le point. Ces chants, ce sont les élèves du lycée Boussiga en province Ngozi au moment de la réception de la bonne fontaine qui a été construite dans cette localité. La directrice de cet établissement indique que cette adduction en eau viendra ramener l'ordre et la sécurité dans ces lieux. On a demandé qu'il y ait une adduction en eau dans cette région qui abrite plusieurs personnes pour que même nos voisins soient approvisionnés en eau potable, parce qu'on sait que la sécurité serait garantie si toutes les personnes avaient cette eau. Depuis que les travaux ont commencé, nous avons attendu et maintenant nous sommes très contents que nous puissions avoir une eau propre. Comme Manila Kiza, ministre de l'énergie et mines, souligne que cette eau disponible facilitera la tâche à ses élèves. On le dit souvent que l'eau, c'est la vie. Cela est clair que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la vie. Les élèves passent beaucoup de temps à aller puiser l'eau et par conséquent, ils n'arrivent pas à préparer les cours. C'est pour cela que nous nous sommes dépêchés à intervenir pour que ces élèves puissent réussir en classe. La population de cette localité va utiliser l'eau de la ligne Mihigo en abandonnant celle qui provenait de Kayanza. Merci Alida. Et l'hôpital d'Igenda a organisé depuis ce lundi un programme d'opération chirurgicale des femmes ayant des fibromes utérins ainsi que d'autres complications connexes. Plus d'une quarantaine de femmes seront opérées presque gratuitement, sauf une petite contribution minime. Selon la directrice de cet hôpital, sœur Adèle Nezahorigua, les patientes qui avaient manqué les deux moyens pour se faire opérer disent être satisfaites de ce programme. Aubin Nyonguru les a rencontrées à cet hôpital hier. Voici son reportage. Certains des patients rencontrés à l'hôpital d'Igenda qui attendaient d'être opérés saluent cette initiative. La plupart d'entre elles n'ont pas de moyens pour supporter le coût d'une opération dans certains hôpitaux publics ou privés. Cette femme, habitant du quartier Moussaga en Amérique de Bujumbura, a des fibromes utérins. Elle avait manqué plus de 400 000 francs burundais pour se faire opérer. J'ai un fibrome. À Bujumbura, on m'avait demandé de payer 450 000 francs burundais. Je n'ai pas de moyens. Je ne pouvais pas m'en acquitter. Cette fillette de 10 ans qui étudie en quatrième année primaire, elle aussi a des fibromes abdominaux. Elle attend une opération pour ce lundi. Au début, j'avais des douleurs abdominales, surtout pendant la nuit. Je ne pouvais pas me tenir debout. Sa mère dit qu'elle n'avait pas pu supporter les frais pour l'opération de sa fille. Ces frais s'évaluaient à plus d'un million de francs burundais. Moi, on m'avait demandé de payer 1 200 000 francs burundais. Des fois, mon enfant, il ne se rendait pas à l'école. mais son ventre reste gonflé. Sœur Adèle Nezahorigwa, directrice de cet hôpital, nous parle des maladies traitées. Elle indique aussi que les patients proviennent de différents coins du pays. Il y a assez bien de participants à cette mission. Ce sont des participants qui viennent de toutes les régions du pays, en provenance de Kirundo, de Rumonge, de Rutana, etc., etc. Dans ce programme, nous touchons certaines maladies comme les fibromes, les kystes, les nodules, les prolapsus utérins, du moins toutes les maladies qui intéressent le secteur génital de la femme. L'un des obstacles de ce travail est que certains patients ne parviennent pas à s'acquitter de la petite contribution qui leur sont exigées, selon toujours la directrice de cet hôpital. Le défi concerne surtout les malades pauvres, des cas sociaux, et aussi les malades qui viennent de très loin, qui ne savent pas se déplacer, faire des va-et-vient pour l'inscription, pour la consultation et pour l'intervention. Alors ceux-là, on les loge, ils sont logés à l'hôpital en attendant l'intervention ou la consultation. Ce programme a été mis en œuvre par les sœurs Annonciade, gestionnaires de l'hôpital d'Igenda, appuyées par les médecins belges il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, les médecins sans vacances du Burundi l'ont poursuivi. Merci, Aubin Niyonguru, pour ce reportage. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. La frontière burundo-rwandaise est fermée depuis ce mercredi au niveau de Rouen, commune Rugombo de la province Cibitoke. Les différentes autorités sont en discussion pour dénouer ce que le porte-parole de la police appelle « incompréhension ». Le chargé de la communication à la présidence de la République rejette les allégations contenues dans le rapport publié ce mardi par la Fédération internationale des droits de l'homme. Un rapport pas du tout tendre avec le régime de Bujumbura sur les exactions commises depuis le déclenchement de la crise au Burundi. Willy Nyamitwe parle d'une volonté affichée par les auteurs de tel rapport de manipuler l'opinion. Dans ce journal, vous avez suivi les acteurs politiques exprimant leur satisfaction et suggestions à propos des prestations de la radio Isanganiro qui boucle ce vendredi. C'est 14 ans à votre service. Et nous avons été également à Igenda qui, depuis ce lundi, à l'hôpital précisément d'Igenda, a débuté un programme d'opération chirurgicale de femmes souffrant de fibromes utérins et d'autres complications connexes. Et vous venez de le suivre dans ce reportage de Ban Niyonguru. Le lycée de Busiga en province Ngozi et les populations environnantes peuvent souffler un ouf de soulagement après la réception hier d'une adduction d'eau potable. Les lycéens perdaient beaucoup de temps pour aller puiser de l'eau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.